Livre 4, le roi Artus. Chapitre 1er, guerre des rois feux de la terre, comment furent conçus Mordret, Los et Hector des Mares. Robert de Boron avait, en prenant congé de nous, fait reconnaître Artus comme roi de l'ogre par le peuple, le clergé et la baronnie du royaume. Ainsi fut-il élu roi, éteint-il la terre et le royaume longtemps en paix. Il nous avait dit que le duc de Tintagel avait, en mourant, laissé plusieurs filles, que l'aînée avait été mariée au roi Lot d'Orcanie, que l'autre, bâtarde, avait été mise aux lettres et nommée Morgane. Il avait fait remonter l'institution du dragon comme enseigne des armées et à l'époque de la bataille de Salisbury, gagnée par les deux frères Pindragon et Uther. Il avait investi que, le frère nourricier d'Artus, de l'office de sénéchal du royaume, à compter du jour où le jeune Artus avait détaché l'épée de l'enclume. Il est maintenant aisé de voir, dès le début du quatrième livre, que ce n'est plus la même voix qui dicte ou la même main qui écrit. Je demande la permission de le répéter ici, comme je l'ai dit précédemment, tome 1, page 358. Les rois feux de la terre, invités par leur nouveau suzerain au fête du couronnement, arrivent à Carlion et s'accordent à ne pas reconnaître un aventurier qui leur semble indigne de l'honneur suprême. Pour éviter cette contradiction, les éditions imprimées portent que la révolte des six rois eut lieu après un long espace de temps. Les manuscrits ne justifient pas cette interpolation. Plusieurs rapportent la première convocation d'Artus à la fin du mois d'août, c'est-à-dire à 3 mois de distance du couronnement. Mais le motif de la révolte indique assez qu'elle dut se manifester à la nouvelle de ce couronnement. Une fois pour toutes, les éditions imprimées ne méritent aucune confiance. La reine Hygiène devient, sous la plume des continuateurs, moins intéressante. Elle aurait été 2 fois mariée avant d'épouser Uther Pindragon, ce qui ne s'accorde guère avec la passion qu'elle avait inspirée à ce prince. De ce double mariage seraient nées 5 filles, la reine d'Orcanie, femme de Lot, la reine de Garlo, femme de Nôtre, la reine de Galles, femme d'Urienne, la reine d'Écosse, veuve de Briadan et mère du roi Aguizel. Enfin, la sage Morgane, surnommée la fée. C'est pour Artus, non pour son père, que Merlin inaugure l'enseigne du dragon. Et c'est au moment d'attaquer les 6 rois rebelles qu'il confie à Queux, son frère de lait, la charge de sénéchal. Or, Robert de Boron n'aura pu se contredire ainsi, à quelques feuillets de distance. Et de tels contrastes suffiraient, quand même nous n'aurions pas l'explicite de notre excellent manuscrit 747, voire tome 1, page 357, pour marquer le point où s'est arrêté le premier auteur, en laissant à d'autres le soin de continuer le roman. Je vais présenter, comme je l'ai fait déjà et le ferai toujours pour les récits qui ne perdent rien à être abrégés, une analyse rapide de cette continuation du Merlin à laquelle je restitue son véritable titre, le livre d'Artus. Les rois qui refusent de reconnaître Artus et qui, au lieu de l'hommage lige qu'ils lui doivent, viennent le défier dans sa ville de Carlion, sont d'abord au nombre de 6. C'est Lot d'Orcanie, Aguizel d'Écosse, fils de Briadan, Idier de Cornouailles, Urienne de Gore, ou plutôt de Galles, Nôtre de Garlo et Caradoc Brillebras de la terre d'Estrangor. Lot, Nôtre et Urienne étaient, comme on vient de le voir, beaux-frères d'Artus. Aguizel était son neveu, mais ses liens de parenté n'étaient connus que de Merlin. Artus, à leurs yeux, n'appartenait pas à la race des anciens rois. Ils veulent bien cependant lui accorder une audience, et quand il vient répondre à leur appel, il se dresse en contre lui parce qu'il est toi sacré. Les débuts d'Artus dans la carrière héroïque ne sont pas éclatants. Dès que les 6 rois l'ont défié, il se réfugie dans la forteresse de Carlion, bientôt assiégée. Merlin vient alors à son secours. Il jette sur le camp ennemi un enchantement qui le réduit en cendres, tandis qu'Artus, profitant du désordre et de l'effroi causé par l'incendie, fait une sortie vigoureuse et remporte une victoire longtemps disputée. 2 fois abattu de cheval, il est 2 fois remonté grâce à la valeur de Queux, Dulphine, Bretel et Antor. On le voit armé de la grande épée qu'il avait arrachée de l'enclume. Elle jette une si grande clarté qu'on eût cru voir allumer 30 cierges. Les lettres disaient qu'elle avait nom Excalibur, mot hébreu qui sonne en français « tranche bois, fer et acier ». De tous les romanciers, le continuateur de Merlin est celui qui nous représente le sénéchal Queux sous les traits les plus favorables. Ce n'est pas qu'il lui conteste les ridicules devenus inséparables de son nom, mais ils sont rachetés par une valeur guerrière qui le maintient au premier rang des héros bretons. Il eût été, dit notre auteur, un chevalier accompli sans une certaine incontinence de parole qui l'entraînait involontairement et lui faisait perdre les bonnes grâces de ceux qui vivaient avec lui. Il avait pris ce défaut, cette disposition à la médisance, non de sa bonne et sage mère, mais de la nourrice qu'on lui avait donnée. D'ailleurs, bon et joyeux compagnon, qui plaisait à ceux qu'il n'attaquait pas de ses gaberies, Queux est un personnage heureusement jeté au milieu de cette grande comédie de la table ronde pour en varier les scènes et souvent préparer les dénouements. Dans une autre laisse, quand Queux arrive avec Gauvain au secours d'Artus, rudement mené par le roi Lot, le romancier ajoute « Il n'eut guère meilleur chevalier en la corte Artu, ce ne fut qu'il parloit trop volontiers pour la grande joliveté qu'il ôte en lui, et gabères et toi des meilleurs qui ont que fut, et pour ce qu'il gaboie volontiers le haïr main chevalier qui ont à voix de sa parole, et les chevaliers qui la voient gaber l'y firent en main lieu de grands ennuis. Mais loyaux chevalier fut vers son seigneur et vers la reine, ne honte qu'en sa vie ne fit trahison, que une seule fois, et ce fut de l'hôte, le fils au roi Artu, qui l'oxit par envie en la grande forêt périlleuse, et dit li conte que Percevaux l'encusa à tort, ainsi que un ermite lui reconta qu'il y avoit vu oxyre et tué. Les six rois ainsi déconfis, Merlin mit Artus à raison pour lui raconter comment un esprit incube avait fait concevoir sa mère, l'histoire des deux dragons, l'amour du terpin dragon pour Hygierne. Le héros apprend ainsi le secret de sa naissance, la destinée de ses sœurs et le nom des enfants nés des quatre premières. Ceux de la reine d'Orcanie, femme du roi Lot, sont Gauvain, qui devait être le plus beau, le plus loyal chevalier du monde. Guir, Gaëriette et Agravin. Pour le cinquième, il n'était pas fils du roi Lot, mais bien d'Artus lui-même, et l'histoire de sa conception est ailleurs ainsi racontée. Quand le roi Lot était venu à Carduel, à Londres, suivant un autre passage, aussitôt après la mort du terpin dragon pour concourir au choix de son successeur, il avait au nombre de ses familiers le bon Antor et son fils présumé, le jeune Artus. Lot et Antor occupaient de nuit deux chambres contiguës, et le lit d'Artus était posé devant l'huis de la chambre du roi, comme il convient à l'écuyer de service. Il était beau valet et subtil, il ne tarda pas à remarquer la beauté, l'agréable et frais embonpoint de la reine, et en devint amoureux. La dame ne s'en donnait garde, tous ses sentiments allant au roi. Un jour, les barons eurent à tenir un conseil de nuit. Lot avertit les écuyers de mettre les selles à la chute du jour et de n'en parler à personne. À minuit, le roi se lève doucement sans éveiller la reine, demeurée seule avec une jeune fille couchée de l'autre côté de la chambre. Dès que Lot fut sorti de l'hôtel, Artus, qui de tous était donné garde, s'en va au lit de la reine, se glisse sous les draps, mais sans oser d'abord faire autre chose que de tourner et retourner. La dame s'éveilla d'elle-même, et comme femme épousée qui se croit auprès de son mari, lui jeta les bras autour du corps et le serra, demi-endormie, contre elle. Artus lui rendit son étreinte et prit d'elle son plaisir. Puis, quand la dame fut rendormie, il revint doucement à son lit. La reine n'aurait jamais eu le moindre soupçon de l'aventure sans le jeune écuyer qui le lui fit entendre le lendemain comme il taillait au dîner devant elle. La reine le voyant à genoux, « Sire damoiselle, lui dit-elle, levez-vous, c'est assez vous incliner. »« Ah, madame, répond Artus à voix basse, comment vous remercier de vos bontés ?»« Quelle bonté, dit-elle, je m'en tairais si vous ne me fiancez de ne pas le répéter. » Elle le fiança. Alors il lui dit en l'oreille ce qui s'était passé, la nuit. La dame sentit la honte rougir son visage. Elle laissa le manger et se retira dans ses chambres, mais n'en parla jamais à personne. Seulement, elle ne put douter que le jeune varlet, qu'elle croyait fils d'Antor, ne fût le père de l'enfant dont elle se trouva grosse. Cet enfant devait être Mordrette. Robert de Boron avait déjà recueilli la même tradition de la conception de Mordrette, mais avec des circonstances différentes. Artus, dit-il, l'avait engendré de sa sœur une nuit qu'il croyait tenir dans ses bras la belle dame d'Irlande, et quand ils surent la méprise, ils en eurent tous deux un grand repentir. On ne sait, et Boron ne le dit pas, quelle était cette dame d'Irlande. Les autres neveux d'Artus, dont Merlin lui révèle l'existence, sont Galgantin ou Galéchin, fils du roi Nôtre de Garlo, et Yvain le Grand, fils d'Urienne, roi de Galles. Yvain égalera la prouesse et la bonté de son cousin Gauvain. Merlin avertit encore Artus de réclamer le secours des deux vaillants rois de la petite Bretagne, qui lui devaient hommage et avaient épousé les deux sœurs germaines. L'un était Ban de Benoïc, l'autre son frère Bohor de Gaune ou Gan. Ils ont pour voisins le félon roi Claudas, qui les inquiète en ce moment et plus tard leur causera de plus grands maux. Mais il ne doit rien entreprendre contre eux pendant qu'ils seront dans la Grande-Bretagne pour répondre à la prière qui leur en sera faite. Pour Artus, il trouvera dans ces deux princes les meilleurs soutiens de sa couronne. Il les aura pour compagnons de ses travaux. Les deux rois, pères, le premier de Lancelot du Lac et d'Hector des Mares, le second de Lionel et du jeune Bohor, sont ici désignés comme souverains de la Petite-Bretagne. Cette attribution doit être la plus ancienne, la plus conforme aux traditions primitives. On a droit alors de conjecturer que le félon voisin de ces deux rois, Claudas, roi de la terre déserte, ou Berry, pourrait bien être le roi des Francs Clovis, ou Clotaire Ier, son successeur, qui, d'après un passage célèbre et assez mal interprété de Grégoire de Tours, semblerait avoir obligé les rois bretons à reconnaître son autorité. Nam Britanni sub Francorum potestate fuerunt post obitum regis Clodovei et comites non reges appellati sunt. Grégoire de Tours, livre 4, chapitre 3. Il s'appelait donc roi auparavant, et ce passage confirme au lieu de l'affaiblir l'opinion qui recule jusqu'au IVe siècle, l'époque de l'établissement des Bretons insulaires dans l'Armorique. Il est vrai que plus loin, l'ignorance de la véritable histoire fera chanceler le romancier. Claudas ne sera plus que le roi de Bourges ou du Berry. Il sera vassal du roi des Francs et celui-ci de l'empereur de Rome. Mais il faut rechercher sous le texte de nos romans les souvenirs à demi effacés qui ont dû les inspirer. Ainsi, nous croyons que, dans la tradition la moins oblitérée, Benoïc n'est pas Bourges, mais pourrait bien être Vannes, en Bretagne. Le V, initial, serait devenu B, comme Trèbes au lieu de Trèves. Les Bretons prononcent aujourd'hui Guénette ou Venette. Si Benoïc est de deux syllabes, il doit se prononcer à peu près le même. La guerre semble avoir été soulevée entre les rois Ban et Claudas de la Déserte, à l'occasion du château de Trèbes que le premier avait fait construire sur la limite des deux États. Les détails assez uniformes que l'on donne plusieurs fois sur la situation de cette place, baignée par les eaux de la Loire, nous la font reconnaître aujourd'hui dans le petit bourg de Trèves, à 2 lieues de Saumur vers le nord, dont la haute tour crénelée reste de l'ancien château, subsiste encore. Elle est reproduite dans le bel ouvrage de M. Godard Fautrier, L'Anjou et ses monuments, tome 2. Ainsi, Trèbes était sur les marches des royaumes de Benoïc et de Berry. Par la fortune de la guerre, Ban avait d'abord conquis sur son ennemi la ville de Bourges. Il y résidait quand les fidèles messagers d'Artus, Ulfin et Bretel, le vinrent retrouver après l'avoir inutilement cherché à Trèbes, où il se tenait d'ordinaire. Voilà donc la topographie de la Gaule arthurienne bien établie. La terre déserte est le Berry, dont la capitale est Bourges et le roi Claudas. Le pouvoir de Claudas s'étendait sur la Touraine et partie du Saumurois. Le domaine de Bohor est l'Anjou. Gan, sa capitale, est Angers, Andegavincis. Le royaume de Benoïc réunissait les diocèses de Vannes et de Nantes, avec une partie du Saumurois. On ne peut trop répéter que nos romanciers ne se rendaient pas compte des localités. Ils n'inventaient pas les noms, mais ils ne recherchaient pas la valeur exacte. Tout ce qu'on peut donc assurer, c'est que la scène des récits qui touchent à la France embrasse la Touraine, l'Anjou, le Poitou, la Marche, la Bretagne, une partie de l'Auvergne et de la Basse-Bourgogne. Les noms d'Arles, de Bordeaux, de Toulouse ou de Marseille n'y sont pas une seule fois prononcés, ce qui semble assez bien prouver que ni le Languedoc ni la Provence n'ont participé à l'inspiration ou à la composition de ces ouvrages. Mais puisque j'en suis à la désignation des principaux héros de la table ronde, et que j'ai déjà prononcé le nom d'Hector, je veux tout de suite raconter les circonstances de sa naissance, comme j'ai rappelé celle de la naissance de Mordrette. C'était quand les deux rois Ban et Bohor, après avoir concouru à la complète déconfiture des Saines ou Saxons, retournèrent dans leurs états, accompagnés de Merlin. À la chute du jour qui suivit leur départ de l'ogre, ils arrivèrent devant un château entouré d'un grand marais et qui pouvait défier tous les assauts du monde. Au-delà des eaux étaient les premières palissades ou barbacanes, puis deux paires de grandes et fortes murailles, garnies de quatre tours très élevées et de la tour du donjon plus haute encore. Elles étaient entourées de mares fangeuses et profondes, qu'on traversait par une étroite chaussée, faite de sable et de ciment, et coupée de distance en distance par des ponts de planches faciles à lever quand on voulait interdire le passage. Enfin, devant le marais, se dressait un pin dont les vastes rameaux symétriquement arrondis pouvaient ombrager 100 chevaliers. À l'une des branches les moins élevées, pendait un corps qu'il fallait apparemment sonner pour demander ou la joute ou l'entrée du château. Nos deux rois devinaient bien l'usage de ce corps, mais le château était à si grande distance qu'ils n'espéraient pas être entendus s'ils venaient à s'en servir. Ils apprirent de Merlin qu'ils étaient devant le château des Mares et que le seigneur en était Agravadin le Noir, chevalier puissant, preux et hardi aux armes. « J'ai, dit le roi Ban, souvent entendu parler d'Agravadin le Noir. Il peut se vanter de posséder le plus fort château que j'aie jamais vu et j'y passerai volontiers une nuit. » Vous vous soumettrez donc à la condition imposée à tous les chevaliers étrangers. Vous sonnerez du cor avant de faire un pas sur le gué, si mieux n'aimez avoir à livrer combat. Y eut-il danger ? Reprit le roi Ban, je le sonnerais encore. Ce disant, il détacha le corps et en tira un son des plus retentissants. L'écho le répète plusieurs fois et le fait arriver à l'ouïe du seigneur du château. Agravadin demande ses armes, et cependant le roi Ban donnait trois nouvelles halenées. Agravadin, impatienté, monte à cheval, l'écu au cou, la lance sur feutre. On lui ouvre la chaussée. Il arrive devant le gué, en face des deux rois et de leur suite. « Quel gens êtes-vous » cria-t-il. « Sire Châtelain, répond le roi Ban, nous sommes chevaliers. Nous hébergerions volontiers chez vous une nuit. Au moins voudrions-nous abreuver ici nos chevaux. « Je demande qui vous êtes, » reprend le Châtelain. « Sire, » fait Merlin. Ils sont des partis de Gaulle. Et de qui tiennent ces partis ? De Dieu, sire, et du roi Artus. Par le nom de Dieu, ils ont un bon seigneur. C'est aussi le mien, et, pour l'amour de lui, vous aurez hôtel à votre vouloir. Grand merci, répondit Merlin. Agravadin, alors, tourne bride en invitant Merlin et ses nobles compagnons à s'aventurer sur l'étroite chaussée, les uns après les autres. Ainsi arrivèrent-ils à la porte du château sans quitter les étriers, car il n'y avait pas d'espace à l'extrémité de la chaussée pour tourner les chevaux. La porte franchie, ils sont conduits au maître palais. Écuyers et varlets arrivent à leur descente. Le châtelain prend par la main les deux rois et les conduit dans une grande chambre au bas de la tour principale. Comme on les désarmait, trois jeunes demoiselles entrent et la salle est illuminée de leur beauté. C'étaient et la fille et les deux nièces d'Agravadin. Elles tenaient au bras trois beaux manteaux, dont la panne était de menu vert et de drap écarlate. Elles les posèrent aux épaules des rois et du seigneur châtelain. Le roi Ban, de disposition plus amoureuse que son frère, se plut à regarder les pucelles, leur gracieuse et simple contenance. L'aînée, qui n'avait pas encore 14 ans, était la fille du châtelain et la plus belle des trois. Merlin ne la vit pas non plus sans étreinte de cœur. « Par ma foi, se dit-il, bienheureux serait qui pourrait s'ébattre avec telle pucelle. Et n'était le grand amour que je porte à Viviane, ma mille, je la tiendrais cette nuit même entre mes bras. Mais au moins ménagerais-je ce bonheur au roi Ban. Aussitôt il fait une conjuration à l'effet de rendre éperdument amoureux l'un de l'autre le roi Ban et la demoiselle. Les manteaux posés sur les épaules de nos deux rois, Agravadin s'assied entre eux et commande de hâter le manger. Puis, regardant plus attentivement ses hôtes, il les reconnaît et leur fait encore plus grand honneur que devant. Les nappes sont mises, on corne le souper. les deux rois, assis au chef de la table, vers l'entrée, invitent Agravadin à prendre place, lui et sa femme épousée, belle dame à peine âgée de 26 ans. Quant aux chevaliers de la suite, ils vont occuper d'autres tables à distance. Merlin se tient debout devant les deux rois, le seigneur, la dame et les trois pucelles. Il avait pris la figure d'un jouvenceau de 15 ans, vêtu d'une cotte courte mi-partie de blanc et de vermeil. Une ceinture de soie, large de 3 doigts, retenait en avant son aumônière de rouge samite à or battu, en arrière un gant blanc. Il avait les cheveux blonds et crêpés, et les yeux verts comme faucons. Il servait à genoux, tantôt devant le roi Ban, tantôt devant le roi Bohor, et chacun se plaisait à le regarder, les gens du château le tenant pour un sergent des deux rois, et les rois pour un varlet du châtelain. Les deux nièces d'Agravadin n'étaient pas moins surprises de sa grande beauté et de sa bonne grâce, mais la fille du châtelain avait les yeux sur le roi Ban et ne regardait que lui par l'effet invincible de la conjuration. Elle pâlissait, elle changeait de couleur, elle désirait voir les tables levées, tant l'amour déjà l'agitait de ses poignantes angoisses. « Ah !» se disait-elle, heureuse qu'il le pourrait tenir entre ses bras. Puis, toute honteuse, elle se demandait en pleurant d'où pareille pensée pouvait lui venir et comment elle ne songeait pas à autre chose. Si la pucelle éprouvait une telle émotion, le roi Ban n'était pas en moindre malaise. Il lui fallut laisser une partie de son rire et de son enjouement ordinaire. Il ne comprenait pas d'où lui venait telle pensée et tel désir, car il avait épouse jeune et gente, non moins belle que la fille d'Agravadin. Pour rien au monde, il n'eût voulu manquer à la foi qu'il lui devait. D'un autre côté, n'était-il pas l'hôte d'un noble et courtois chevalier qui lui faisait tout l'honneur qu'il pouvait désirer? Ne l'accuserait-on pas de trahison et de déloyauté s'il venait à faire honte et vilenie à tel prud'homme? Et quel plus grand outrage que de ravir l'honneur de sa propre fille? Ses pensées le tourmentaient cruellement, si bien que, malgré le charme jeté sur lui, il résolut de ne faire aucune honte à son hôte et de résister aux pointes qui le transperçaient. Or Merlin n'ignorait pas le combat que la loyauté du roi livrait à son amour, et il dit entre ses dents qu'il n'en serait pas ainsi. Il y aurait trop grand dommage à les laisser en ce point, car leur union passagère doit produire un fruit dont la Bretagne sera grandement honorée. Mieux vaut à tout prendre que cet enfant vienne au monde. En dépit des résolutions du roi, je connais assez la force de l'enchantement pour être sûr qu'il ne repoussera pas la pucelle quand elle viendra d'elle-même à lui. Le souper n'était cependant pas achevé. Ban et la pucelle continuaient à se regarder en pâlissant et muant couleur à qui mieux mieux. Enfin, les nappes ôtées et les mains lavées, ils allèrent s'appuyer aux fenêtres du palais, regardant les marais prolongés et au-delà les grands bois, les terres cultivées et les viviers. Puis vint l'heure du coucher. On conduisit les deux rois dans une chambre voisine de la grande salle. Les demoiselles y avaient dressé deux lits de grande richesse et de grande beauté. Dès qu'ils furent couchés, Merlin jeta sur le château un nouvel enchantement. Un sommeil profond s'étendit sur tous ceux qui s'y trouvaient, à l'exception du roi Ban et de la demoiselle, l'amour dont ils étaient surpris ne leur permettant pas de dormir. Merlin vint à la chambre où reposait la pucelle, et, la tirant doucement par le bras, « Orsus, belle, lui dit-il, venez à celui qui n'a d'autre désir que de vous voir. » Celle-ci, que le charme empêchait de résister, se leva de son lit toute nue à l'exception de sa chemise et d'un léger pelisson. Merlin la fit passer devant le lit de son père, devant celui des chevaliers et des sergents. Mais l'écroulement des murs et des tours ne les aurait pas éveillés. Ils entrèrent enfin dans la chambre où reposaient les deux rois et qui était encore éclairée de cierges. Ils arrivent au lit où dormait le roi Bohor, puis à celui où le roi Ban appelait vainement le sommeil à son aide, pour lui ôter la cuisson de ses pensées amoureuses. « Sire, lui dit Merlin, voici la bonne et la belle qui doit porter le fruit dont grande renommée viendra par le monde. » À ces mots, le roi reçut entre ses bras la demoiselle par la force de l'enchantement, car, s'il eût été maître de lui-même, il ne l'eût fait assurément pour la cité de l'ogre. Il se dressa donc en son séant et retint la pucelle qui, sans en être prié, ôta son pelisson, sa chemise, et se plaça à ses côtés. Ils s'embrassèrent alors étroitement, comme s'ils eussent été depuis 20 ans ensemble, et c'est dans la joie et le soulas de l'accolée et du baiser qu'ils virent poindre le jour. Merlin reparut. « Il est temps de retourner, » dit-il à la demoiselle. Et, la faisant lever, il lui tendit sa chemise et son pelisson. Le roi, tirant alors un anneau de sa main, « Belle, » dit-il, « gardez cet anneau pour l'amour de moi. » La demoiselle le prit, le passa à son doigt et s'éloigna en se recommandant à Dieu. Revenue dans son lit, elle s'endormit, ayant conçu un fils qui plus tard devait être pour Lancelot du Lac, son frère, une occasion d'honneur et de joie. Merlin, dès qu'il eut reconduit à son lit la demoiselle, défit l'enchantement. Écuyers et varlets se réveillèrent, se levèrent, préparèrent les armes, encellèrent les chevaux, troussèrent coffres et malles. Le roi Ban seul dormait encore. Merlin alla le réveiller. « Sire, levez-vous, il est temps de chevaucher. » Quand les deux rois, le seigneur châtelain et la dame, furent relevés, les trois demoiselles vinrent leur donner de par Dieu le bonjour. « Et à vous bonne aventure, » répondirent-ils avec toute la joie et l'honneur que vous pourrez souhaiter. Le roi Ban jeta les yeux sur la fille d'Agravadin, si belle, si douce, si humble demoiselle. Il la regarda profondément, avec un léger sourire qu'elle lui rendit, baissant doucement la tête, comme en présence du premier homme qu'elle eût aimé et qu'elle sentait bien ne pouvoir jamais oublier. En effet, nul autre ne toucha jamais à sa chair, car ravi lui était que femme une fois donnée à roi ne se doit donner à nul autre. Plus tard, elle fut demandée en mariage par un baron du pays bien plus puissant qu'Agravadin le Noir, lequel eût vivement souhaité cette union. Mais la demoiselle s'y refusa toujours et finit par avouer à son père qu'elle aimait le roi Ban et qu'elle portait dans ses flancs un gage de cet amour. Le père, d'abord indigné de cette confidence, se consola en pensant que Merlin avait annoncé les hautes destinées de l'enfant qui allait naître d'elle. Dans la dernière laisse, où la naissance d'Hector est racontée, le châtelain des Mares n'est plus Agravadin, mais Gossuit. Cet enfant, en venant au monde, reçut le nom d'Hector. La demoiselle le nourrit de son lait, et lui donna les maîtres qui le préparèrent à devenir un des meilleurs et des plus célèbres chevaliers de la Table Ronde. La rencontre amoureuse d'Artus avec sa sœur, la reine d'Orcanie, n'avait pas été la seule fantaisie de sa jeunesse. Comme il séjournait à Bredigan, après la seconde victoire remportée sur les 11 rois, la dame du château de Quimper-Corentin avait passé la mer pour le prier de recevoir son hommage. Elle se nommait Lysamore, fille du feu comte Sévin, et était des plus belles de son temps. Artus ne put voir Lysamore avec indifférence. Merlin, l'intermédiaire accoutumé de ces sortes d'affaires, alla trouver la dame chez le riche bourgeois de la ville où elle avait pris hôtel, et la disposa si bien en faveur du roi qu'elle consentit à recevoir ce prince dans sa couche la nuit suivante. Ainsi fut engendré Loos, le bon chevalier qui, plus tard, mérita d'être de la Table Ronde et aurait grandement fait parler de lui s'il eût vécu plus longtemps. Lysamore resta à Bredigan jusqu'au moment du départ d'Artus pour le royaume de Carmélide, puis elle retourna dans sa ville de Quimper, où peut-être la retrouverons-nous plus tard. Revenons maintenant à la guerre des Feux de la Terre, que ces épisodes ont bien pu nous faire perdre de vue. Les six rois, contraints d'abandonner le siège de Carlion, étaient retournés dans leur domaine, clopin-clopant. Tel en y eut, qu'on fut obligé de transporter en litière, parce qu'il ne pouvait supporter les mouvements du cheval. Arrivés sur les marches des deux royaumes de Gore et de Logre, ils convinrent de prendre leur revanche et de convoquer tous leurs amis pour exterminer le roi d'aventure et l'odieux enchanteur qui les avait une première fois obligés de fuir. Voici les noms de ceux qui se réunirent à Lot d'Orcanie, à Agizel d'Écosse, à Idier de Cornouailles, à Urienne de Gore, à Nôtre de Garlot et à Caradoc Bribra de la terre d'Estrangor. Le premier fut le duc Esco de Cambenic, le second le roi Tradelinan de Norgal, le troisième le roi Clarion de Northumberland, le quatrième le roi des Cent Chevaliers, quelquefois nommé Aguiginier et plus souvent confondu avec Agizel d'Écosse, le cinquième le roi Brangor de la ville d'Estrangor, qui avait épousé la fille de l'empereur Adrien de Constantinople. À ces noms, il convient d'ajouter Béliman de Sorgal, frère du roi Tradelinan. Il était marié à la belle Églante, fille du roi de l'île perdue et sœur du roi Nôtre. leur fils Dodinel, violent chasseur, surnommé le Sauvage, devait, à l'exemple de ses cousins Gauvin, Yvain et Galéchin, se rendre à l'ogre pour être armé de la main d'Artus. Caedin et Queux d'Estreau, neveu du roi Caradoc, devaient l'y accompagner. Quelques lignes consacrées à ces princes nous les ferons mieux distinguer dans le cours des récits. Ainsi, le roi Idier de Cornouailles, outre la vaillance qui lui était commune avec les autres, était amoureux, aimé des dames, plein de courtoisie et de beauté. Le roi Nôtre de Garlot tenait 8 sons et avait pour second son neveu Dorylas, Lot étant au roi d'Orcanie, tantôt roi d'Orcanie et de Léonois. Urien, roi de Gore ou de Galles, tient la cité de Sorho. Il a pour neveu Bodémagus, et, si l'on suit l'analogie que présente ce nom avec celui de Rotomagus, il doit répondre à Baudouin. Parmi les chefs qui résistent aux Seines, on trouve encore les noms de Brandus des Îles, sire de la douloureuse garde, de Bruce sans pitié, d'Alibon, fils du riche forestier du Guet, de Minoras, sire de Nohant, de Brion du Plessis, de Matamas, sire de la forêt périlleuse, du sire de Landemort, de Planus, châtelain du Puy de Malhaut, de Lydamas, neveu de Tradélinon, d'Attestan, sire de la cité de Fage en Écosse, de Brun, seigneur de Falerne, d'Amarec de Roestock, d'Allier de Chaligné, de Ségurade du château de Blakestan, d'Agravadin du château fort, de Guimard de Vindesor, de Loudard de Glossédon, de Saron de l'Étroite Marche, de Guimard du Blanc-Estan, de Caradoc le géant de la Blanche Tour, de son frère Blanor de la Douloureuse Tour, d'Adrian le Guet de la Forêt Périlleuse, d'Arcanaduc le Noir et de ses deux frères. Ces noms qui, disons-nous, reviendront dans les récits suivants ou dont s'empareront dans le cours des XIIIe et XIVe siècles les poètes imitateurs des romans primitifs sont, à cause de cela, bons à noter ici. Ils constatent une fois de plus la féconde imagination de nos romanciers, ou du moins le nombre et la variété des laits qu'ils prenaient pour guide. À vrai dire, la seconde campagne contre les rois feux de la terre ne sera, comme diraient les musiciens, qu'une variation du motif original. Au lieu d'assiéger Carlion, les rois alliés campent dans la verte prairie de Brelligan. Au lieu de l'incendie qui avait dévoré leur tente, Merlin leur envoie un tourbillon de vent qui renverse également leur tente, jette la confusion parmi eux et les livre à la merci d'Artus. Ainsi, d'un seul lait, le romancier a fait 2 épisodes distincts et dans une seule victoire a trouvé les éléments de 2 victoires. Voici maintenant les compagnons d'Artus qui figurent dans ses premiers récits et doivent, pour la plupart, reparaître dans les suivants. Lost formait 7 échelles ou corps de bataille, les 3 premières composées de Bretons insulaires, les autres de Bretons armoricains. Dans la première, conduite par le sénéchal porte-bannière Queux, se trouvait Girflet, le fils de Do de Carduel, auquel Artus avait confié la garde de la ville de l'Ogre. Lucan le bouteiller, Marouk de la Roche, Guinard le blond, Brian de la forêt sauvage, Bélinas l'amoureux et Flandrin le bret. Bretel conduisait la seconde, Ulfin et le roi Artus se trouvaient dans la 3e. Farien, qui portait l'enseigne du roi Bohor, et Léonce de Perne avaient la conduite des 2 échelles que Merlin, dans un second voyage en Gaule, avait ramenées du continent. Avec eux étaient Ladinas, Moret de Benoïc, Pallas de Trèbes, Gratien le Blond, Blioberis, Méliadus le Noir et Madian. Enfin, les 2 autres échelles étaient conduites par les 2 rois frères et l'enseigne de Ban portée par Alôme, son sénéchal. Maintenant, on peut s'étonner de ne pas voir figurer dans ces débuts de l'histoire d'Artus les chevaliers de la table ronde instituée par Uther Pendragon avec tant de solennité. Il est certain que notre romancier anonyme, ou plutôt les assembleurs, en parlent avec un embarras marqué. Ils font dire à Merlin que les chevaliers de la table ronde établie par Uther Pendragon sont allés offrir leur service au roi Léodagan de Carmélide et qu'ils se sont éloignés à cause de la grande déloyauté qu'ils virent régner en ce royaume de l'ogre. Mais cette phrase ne s'accorde pas avec les récits qui vont suivre, nous y verrons ces chevaliers jalousant les 40 compagnons qu'Artus amène en Carmélide et finissant par conspirer contre eux. Quel rapport entre cette table ronde de Léodagan et celle du Terpin Dragon? Comment admettre que la déloyauté des Bretons, dont on ne trouve pas d'ailleurs la trace dans les récits précédents, ait pu engager les hommes du Terre à priver la meilleure cause de leur aide? Il faut supposer ici un raccord maladroitement tenté afin de sauver la contradiction de trois récits distincts. L'un rapportant la fondation de la table ronde au règne du Terre, l'autre groupant les chevaliers de cet ordre autour de Léodagan, enfin le troisième voulant qu'Artus les eut plus tard et le premier institué. Cette façon d'expliquer une pareille confusion se trouve justifiée dans la laisse qui nous raconte le départ d'Artus du royaume de Carmélide. En sa compagnie fut l'Irois Ban et l'Irois Bors, s'y furent l'Iduit Sang et 50 compagnons de la table ronde. Qui tu es, et toi, né d'El royaume de Carmélide, et homme de fier, et toi au roi Léodagan, devant ce que l'Irois Artus prit leur compagnie, et qu'il prit ta femme, la reine Guenièvre. Le désir de ne rien perdre des anciennes traditions, même quand elles se contredisaient, conduisit apparemment les assembleurs à certains expédients pour les concilier tant bien que mal entre elles. Ces expédients sont aujourd'hui comme les pâles caractères qui recouvrent l'encre noire et solide d'un palimpeste et n'empêchent pas de distinguer les lignes le plus anciennement tracées. La triste part faite à ces premiers chevaliers de la table ronde prouve, une fois de plus, que Robert de Boron n'est pas l'auteur de la seconde partie et que son continuateur s'est contenté de suivre d'anciens laits sans égard pour les contradictions qu'il allait introduire dans l'ensemble de la composition.